Jean-Surdam, le comité des commerçants du centre-ville d'Éragny-sur-Oise vous propose un florilège des meilleures publicités des commerces d'Éragny-sur-Oise. Envie d'un restaurant convivial, raffiné, où tu manges comme un halouf? Les restaurants La Hamdallah vous accueillent tous les jours, 24h/24, 365 jours par an, même les années bissextiles. Ça fait plaisir. Découvrez le restaurant La Hamdallah, les menus découverts. Avec, en entrée, riz au poulet, riz à l'œuf, gamba salaï, barkoukesh gafsien, ragout tunisien, loukhea, poulet mamar, pastilla, boulette de viande, en plat, couscous royal au saumon et moule de Norvège complet, méchoui de mouton, méchoui de gazelle, méchoui de zèbre, chakba, tajine, merguez, merguez piquante à la rissa, et la semoule à volonté, ça fait plaisir, en dessert, des locomes, cornes de gazelle, macrotte, pâte botte, et la glace, à base de sucre, miel, amande, graisse de chameau, aspartame, ça fait plaisir, surtout au régime. Pour 10 euros seulement, ça fait vraiment plaisir. Et le thé à la menthe, il est offert. Ça, ça fait plaisir. Et à la fin du repas, La Hamdallah. Le restaurant La Hamdallah, c'est 3 rue de Asberach, La Hamal, à Éragny-sur-Oise. Un problème des voitures, qu'ils démarrent pas, ou bien qu'ils moteur ils fument, ou bien je sais pas quoi. Une solution pas chère pour vous, les garages La Baisse. À deux pas du restaurant La Hamdallah, pas loin de la discothèque Chauffe la Gazelle, les garages La Baisse s'occupent de toutes les marques des voitures. Pour nous joindre, c'est simple, grâce au téléphone. Les téléphones arabes, bien sûr. Si tu dis à ton voisin que t'as un problème, qu'il répète à sa tante, qu'il dit à Ahmed, Ahmed, il dit à son voisin Mahmoud, qu'il répète à la papeterie, qu'il dit à un type qui passe, qu'il informe sa femme, qu'il dit à Youssef qui connaît le garage. Et là, les garages La Baisse. Il sait que t'es en panne et là, il vient direct te réparer. Ça fait plaisir. Alors, en cas de problème, une seule réaction, les garages La Baisse. La Baisse, les pros de la boîte à vitesse. Et ça, ça fait plaisir, ça race de l'Alhamdoulilah en Andy. Vous avez des problèmes pour vos chaussées? Venez découvrir les magasins La Halal aux Babouches à Éragny-sur-Oise. Les Babouches des villes, les Babouches des sports, les Mocha Babouches, les Babouches Air Max. Et en exclusivité pour les skis, les Moon Babouches. Tous les modèles tu les trouveras chez nous. Tous les modèles de Babouches vont te permettre d'y rentrer à la discothèque Chauffe la Gazelle. Mais si jamais t'as les belles Babouches, mais que les costumes tu l'as pas, les vidères de la discothèque Chauffe la Gazelle, voilà, il va te dégager comme ça, il va te dire ah, tu t'emmènes à une shit en état physique. Zonomi de merde là. Alors pour toi, nous avons créationné le magasin qui est juste à côté, La Halal au Djellaba. Toutes les plus belles marques de tout le Val d'Oise sont là pour vous. Van Djellaba, Dolce Djellaba, Les Temps des Djellaba, Biga Djellaba, Marité François Djellaba, Gerbouche pas quoi. La Halal au Babouche, La Halal au Djellaba. Si t'y trouves moins cher, moi je t'y crois pas. La Hamdallah.